Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle. Une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. C'est un drôle de début de mandat pour le nouveau président, même s'il n'est pas encore officiellement entré en fonction. Nicolas Sarkozy défrait une chronique d'habitude plutôt réservée aux stars avec photos au téléobjectif. Ce n'est sûrement pas là l'essentiel, mais cela restera malgré tout l'image de la semaine, celle d'une nuit au Phuket ou bien celle d'une croisière sous le soleil de la Méditerranée. L'essentiel, en revanche, il est peut-être dans cette interrogation sur un tournant de la vie politique française, une promesse de rupture avec l'héritage des 40 dernières années. Pourquoi 40? Eh bien parce que cela nous ramène à mai 68. Vous allez en tout cas, nous dire ce que vous en pensez, Jean-Pierre Le Goff. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, sociologue, vous présidez le club politique Autrement, qui explore les conditions justement d'un renouveau de la démocratie dans nos sociétés. Et puis vous êtes l'auteur également d'un certain nombre d'ouvrages, La démocratie post-totalitaire, aux éditions de La Découverte, et puis Mai 68, L'héritage impossible également, chez le même éditeur. Et puis avec moi, toujours Jean-Luc Mouton de l'hebdomadaire Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-François Colosimo, théologien essayiste, et qui représente le site orthodoxie.com. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Pierre Le Goff, une première question. À votre place, il y a quelques semaines, il y avait Alain Finkielkraut qui déclare ces jours-ci: on ne peut pas se réclamer du général de Gaulle et se comporter comme Silvio Berlusconi, on ne peut pas en appeler à Michelet, à Peggy, à Malraux et barboter dans le mauvais goût d'une quelconque célébrité de la jet set ou du showbiz. Bref, Nicolas Sarkozy nous a fait honte pendant 3 jours. Est-ce qu'il vous a fait honte à vous aussi? Oui, tout à fait, oui. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez nouveau chez Nicolas Sarkozy, parce qu'on peut penser effectivement à la continuité d'une droite bonapartiste traditionnelle, autoritaire, enfin, qui s'inscrirait dans une histoire. Il y a effectivement un aspect de cet ordre-là, mais je pense qu'il y a quelque chose, j'allais dire, d'une personnalité politique historiquement non identifiée, qui correspond à mon avis à peut-être une nouvelle étape historique dans laquelle nous sommes entrés au XXIe siècle. Moi, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui tient de la performance et du people, tout en jouant en même temps un certain nombre de symboles que, bon, c'est un peu le chapeau bas aux grands auteurs, vous voyez, on salue, qui, à mon avis, fait penser qu'ils ne vivent pas forcément, ne sont pas incarnés historiquement. Il y a une façon de saluer les grands ancêtres, si vous voulez, qui consiste à leur dire au revoir, à ne plus y toucher pour passer à autre chose. Ce sont des images, des papiers glacés. Oui, c'est un peu comme les valeurs, si vous voulez. Moi, je n'ai rien contre, sur un certain nombre d'idées qui ont été développées par Nicolas Sarkozy. On pourrait parler de la nation, par exemple, hein, mais aussi un certain nombre de valeurs. On a tout eu, hein. Je prends tout. En gros, Nicolas Sarkozy, c'est je prends tout. La question des valeurs, on a eu droit à un débat, je trouve, un peu métaphysique entre grands principes. Enfin, cette campagne est très, on pourrait dire, idéologique. Moi, ce qui m'importe, c'est comment, aujourd'hui, c'est quand même ça, l'incarnation de ces valeurs dans un moment historique nouveau. En gros, la nation, très bien, on peut rappeler beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui face à l'Europe et à la mondialisation? C'est ce qu'attendent un peu, me semble-t-il, les citoyens. Jean-François Colosimo. Est-ce que vous diriez donc qu'en fait, on a assisté à une sorte de feu d'artifice des grands thèmes anciens, qui était une sorte un peu de cérémonie des adieux, à droite et à gauche? Diriez-vous aussi que la participation qu'on a eue, c'est une forme, là encore, je dirais, d'apothéose, et qu'en fait, on va aller vers un moins de participation à l'avenir? Pas moins de participation. Je pense que, alors sur le premier point, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une façon de... Pour moi, c'est des élections un peu de catharsis. J'allais dire, le mot qui me vient, c'est catharsis. C'est-à-dire que... Eh bien, par exemple, si je prends Nicolas Sarkozy, ce qui dit fait plaisir à un certain nombre de gens qui ont été, à mon avis, méprisés. Hein. Rappelons-nous quand même les années 80, black, blanc, beurre contre bleu, blanc, rouge, parce que c'était quand même ça. Mmh. On a traité des couches populaires traditionnelles à la gauche, carrément de raciste, hein, bon. Et tout ça, eh bien, il se fait applaudir en disant, oui, ça fait du bien d'écouter ça, ça fait du bien d'écouter, d'être fier d'être français contre la repentance. Je veux dire, je le comprends. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de la politique avec de la catharsis, si vous voulez. Et que, encore une fois, ce qui m'importe, c'est ces grandes valeurs généreuses et élevées à un principe de combat métaphysique. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on les incarne dans une proposition et une vision de l'avenir? Or là, moi, je dois dire que je reste, d'ailleurs, des deux côtés, complètement sur ma faim. Parce que qui, aujourd'hui, au terme de cette campagne, y voit beaucoup plus clair sur la place de la France comme puissance dans l'Europe et dans le monde? Et par exemple, la mondialisation, qui est un problème dont on parle sans arrêt. Est-ce qu'on y voit plus clair sur ce que ça nous apporte, est-ce que ça nous, enfin, quels sont les aspects qui peuvent être positifs, négatifs, comment se situer dans cette chose qu'on ne maîtrise pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un simple calcul politique, pardon de vous couper, Jean-Pierre Le Goff, dans le sens où parler d'international dans une campagne, ça ne rapporte rien. Mais c'est pas, attendez, la fonction présidentielle, c'est un truc très bizarre dans cette campagne, à mon avis. Il y a l'idéologie, les grands principes, et la juxtaposition de ces grands principes avec une série de mesures qui arrosent un peu tout le monde, si vous voulez, hein. C'est-à-dire tous les détails, et c'est cette chose-là. Et puis, je pense qu'il y a une posture d'individus. Il y a des individus nouveaux qui se présentent dans la fonction autrefois transcendante, je pense au général de Gaulle est un peu sacré, suprême de l'État, c'est quand même ça, à mon avis, qui est nouveau. Jean-François Colossebo, puis Jean-Luc Mouton. Est-ce que, en fait, on n'assiste pas, alors très loin, évidemment, des reproches qui ont été faits à Nicolas Sarkozy d'être américain, enfin, etc., qui sont, bon, on les laisse de côté, c'est pas ça, mais est-ce qu'on n'assiste pas, en fait, à, entre guillemets, à une américanisation plus profonde de la vie politique française, à savoir qu'aux États-Unis, les hommes politiques, les femmes politiques ne sont pas des professionnels de la politique, ils ont aussi une vie dans le privé, ils vont, ils viennent, ils repartent, et finalement, la fonction politique, c'est une fonction intermittente, et non pas une carrière à vie comme on connaît en France, de l'âge de 18 ans finalement à la mort, quoi. Oui, je pense qu'il y a tout à fait cet aspect-là. Il y a une américanisation, y compris dans le type de meeting. Et une chose qui me frappe beaucoup, c'est le showbiz, si vous voulez. L'importance du showbiz est tout à fait aussi historiquement nouveau. Enfin, il y en avait déjà, mais pas à ce point. Entre parenthèses, disparition des intellectuels à côté des hommes politiques. Le showbiz le remplace. Il en reste quelques-uns, mais enfin, ils sont pas plus majoritaires. Ils sont en arrière-fond, si vous voulez. Ils servent, en plus, ils sont complètement instrumentalisés. En gros, on a l'impression qu'on prend tout, hein. C'est une machinerie, si vous voulez, pour gagner. Et tout est calculé en fonction de l'image, etc. Alors c'est très difficile parce que je pense que si vous prenez la fonction présidentielle depuis la Ve République, il y a une personnalisation qui correspond d'ailleurs à quelque chose de profond. On pourrait en discuter, mais la société, pour se penser comme un sujet agissant dans le monde, doit s'incarner à un moment donné. Hein. Alors ça passe par le vote, l'élection suffrage universel. Vous aviez une forme de sacralisation. Moi j'ai eu l'impression que dans ces élections, ça commençait un peu avant. Il y avait cette fameuse question, après tout, pourquoi pas moi ? Et si je loupe maintenant, mais je loupe ma vie. Hein. La dimension de la transcendance de la fonction, si vous voulez, qui existait antérieurement, moi je l'ai vu s'éroder sur 30 ans. Je vais pas reprendre l'ensemble des choses, mais Valéry Giscard d'Estaing avait quand même une certaine vision encore. Mais Pompidou, je me rappelle de Pompidou, certaines émissions de télévision, il rentrait avec sa petite mallette, il s'était fait filmer, fallait rendre plus proche le pouvoir après 68. Ce qui pouvait tout à fait se comprendre. Mais il y avait encore la dimension que le président de la République incarnait à la fois le pays qui le transcendait, et d'autre part incarner une certaine vision historique. Parce que tout ce phénomène, je dirais mélange de people, de performance, etc., a lieu sur, à mon avis, fondamentalement, sur des sociétés qui se sont déconnectées de l'histoire. Le fond du problème est là. Et vous avez des individus dans des sociétés déconnectées de l'histoire qui sont tout à fait nouveaux. Il y a une grande difficulté, comme on dit, à se projeter dans l'avenir. Alors qu'est-ce qu'on demande à un président de la République traditionnellement dans la Ve ? C'est pas simplement de nous dire, écoutez, je vais mettre 4 places ou 5 places pour les handicapés et c'est scandaleux. Vous dites, c'est en gros où en est le pays dans son histoire. C'est un chef de guerre. Voilà. Jean-Luc Mouton. Pour être un peu positif, est-ce qu'on n'a pas fait plusieurs choses? Est-ce qu'on n'a pas effectivement désacralisé la fonction? Alors, est-ce qu'en France, le politique n'est pas à une place trop importante? Est-ce qu'on n'a pas, on n'est pas devenu, en fait, on n'a pas rendu le politique là où il devait être, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir, on n'est pas en train de clarifier un peu la situation politique du débat, où on avait la présence encore du gaullisme qui brouillait les cartes, un président Jacques Chirac qui était plutôt radical socialiste qu'un président de droite? Parce que là, on a d'un côté un libéral qui s'assume comme libéral et qui s'assume comme conservateur, et de l'autre côté, on est en train de voir émerger une social-démocratie ou un social-libéralisme, donc un libéralisme matiné de libéralisme comme Tony Blair. Est-ce qu'on n'est pas en train de rendre la France un peu plus conforme à l'ensemble des nations qui nous entourent? C'est possible, mais moi je m'intéresse, si vous voulez, à, comment vous dire ça, au contenu, c'est-à-dire on a la forme de tout ça. Écoutez, je vous pose la question. À mon avis, ces élections, cette juxtaposition d'un débat métaphysique sur les valeurs et des grands principes à une juxtaposition multiple de mesures dans tous les domaines manque une dimension, à mon avis, fondamentale. Alors, je pourrais dire, on peut poser les problèmes dans la chaussure. Ou bien on pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a bousculé la politique vers autre chose. Avant la politique, on y mettait beaucoup, et vous avez raison, on investissait même trop, idéologiquement, dans la, on attendait tout. On le faisait quasi religieux, quasi domaine religieux et sacré. Alors, dans ce sens-là, il y a un mouvement de démocratisation, si vous voulez. Mais le problème, c'est que je pense qu'on est arrivé à un jeu de miroir délétère entre société et État. C'est-à-dire que dans le glissement qui s'est opéré, si vous voulez, depuis la sacralisation gaulienne, pour faire court, jusqu'à aujourd'hui, on a vu une nécessité de se rapprocher à un point tel où mon projet, la France, c'est vous, c'est moi, et moi je vous ressemble. D'ailleurs, dans la proximité, c'est extraordinaire. Dans les débats, c'est direct. C'est une forme de caricature parce qu'il manque les médiations. Quand vous regardez les débats télévisuels qui ont eu lieu, c'est là aussi tout à fait. Les journalistes ont disparu. Bon, soit ils jouent l'ancien. Mais par exemple, les candidats appellent les gens par leur prénom. Et Marcel, non, mais on n'est pas loin du tutoiement. Oui, mais ça, c'est la télévision. Oui. Oui, mais c'est la télévision. Ce n'est pas que la télévision, c'est un style. Dans les entreprises aujourd'hui, tout le monde tutoie tout le monde. Hein. Et il y en a qui vous disent, c'est tout juste, on fait pas la bise. Bon. Enfin, les rois se faisaient appeler par leur prénom aussi. Attention, il y avait aussi des vouvoiements, il y avait une marque de distance. Je ne défends pas. Attention, je ne pense pas que c'était mieux avant et qu'on reviendra sur la dimension sacrée. Je pense qu'on a glissé, en l'espace de 40 ans, vers quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et le type d'individu qui se présente, je vous disais, pourquoi pas moi après tout? Et si je loupe le moment? Ma vie part, parce que moi j'y pense depuis longtemps. On n'a jamais eu des candidats à l'élection présidentielle, personne s'est arrêté là-dessus, qui s'est déclaré à la télévision en disant j'y pense en me rasant dans la glace. Ouais, enfin, il faut quand même s'arrêter sur ces trucs énormes. La candidate, dans une émission, je ne citerai pas la chaîne, en train de danser avec un gars du showbiz qui lui dit allez du coude, dis-nous, ben oui j'y pense. Vous avez vu ça? Alors Jean-Pierre Le Goff, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé au cours de cette émission, c'est celui du centre, François Bayrou, qui vient de lancer un nouveau mouvement, le mouvement démocrate, hier. Est-ce qu'il y a un espace politique pour ce type de... Est-ce que c'est une réapparition d'initiatives qui ont lieu dans l'histoire de la Ve République? Est-ce que vous en pensez? Il faut que nos auditeurs voient Jean-Pierre Le Goff et soupirent désespérés. Non, je pense que François Bayrou a saisi quelque chose à l'intérieur d'une demande dans la société, qui est une demande éminemment démocratique. C'est-à-dire, on demande, au-delà de nous expliquer où on en est, d'avoir un débat assez serein, qui argumente point par point. Et les politiques, moi, si vous voulez, quand les politiques commencent à partir très haut sur une querelle de valeurs, je commence à m'en méfier. De même, quand ils nous parlent de la morale, ce qu'on demande aux politiques, c'est quand même de faire le métier, c'est-à-dire d'incarner un certain nombre de valeurs dans des propositions précises et nous donner une vision claire de l'avenir. C'est ça le métier. Là, non, mais c'est même pas d'idéalisme, c'est un combat, comment dire ça, de grands principes qui ne sont pas incarnés. Moi, les valeurs, alors ça fait tilt chez un certain nombre de gens qui disent, tiens, ça y est. Et moi, j'y décèle d'ailleurs chez Nicolas Sarkozy, on n'a pas dit une grande nostalgie. Moi, dans ma jeunesse, si vous voulez, mis à part l'Europe, on en a très peu parlé. Hein, bon, même Bayrou, d'ailleurs. Bayrou, on attend toujours en positif. C'est très bien la posture de la résistance, mais quoi sur les propositions politiques? On supprime le 49-3, jusqu'où on met de la proportionnelle? Le fédéralisme européen, ça veut dire quoi? Moi, j'attends des débats très posés, très calmes, politiques. Moi, j'estime que ce débat de la campagne n'a pas été... très bon de ce point de vue-là, si vous voulez. Alors, par contre, les mesures partielles, avec, il y a deux mots, hein, qui sont aussi historiquement nouveaux, la souffrance et l'amour. Il y a la concurrence de la souffrance et de la victime entre les deux principaux candidats, moi qui, je vais vous dire, m'ont profondément choqué. Entre chacun sa bonne victime, les femmes battues, violées... C'est alors, la politique compassionnelle. Mais complètement. Mais bon, alors, de l'autre côté, vous avez des choses extraordinaires qui sont dites dans des publics. On joue sur un pathos, sur de l'émotion qui... c'est un manque total de pudeur. En deux mots, Jean-Pierre Le Goff. Total de pudeur sur la morale et sur les sentiments, total. Juste avant un morceau de musique, est-ce que finalement on n'a pas les hommes politiques qu'on mérite? Mais le problème de fond, c'est pas simplement les politiques, c'est ce jeu de miroir qui s'est instauré avec une société donnée et qui reflète en partie cette société. Parce qu'il y a des demandes contradictoires aussi. Il y a quand même des gens... Il fallait, si vous voulez, surfer sur la souffrance. Bon, alors vous avez le policier dans son cercueil. Enfin, Sarkozy est allé très loin racontant des anecdotes qui sont très dures, où il était à côté de cet enfant, le petit garçon. Qu'est-ce que va faire? Et qui dit, écoute, tu peux pas... Sur le son cercueil. On dit ça dans les... La société du fait divers. Hein. Oui, mais à côté, et vous mettez, il y a un type, il se ressent beaucoup plus qu'on ne le croit, les deux candidats. Absolument. Parce qu'il y a une façon de jouer l'émotion et de faire passer quelque chose d'une idée. Et si vous êtes contre l'idée, vous êtes contre l'émotion de départ. Ça s'appelle du chantage au pathos et à l'émotion. On va y revenir, Jean-Pierre Le Goff. Vous restez avec nous tout de suite, on écoute Powo. Radio Notre-Dame. Après avoir foulé les dunes, du sol poussière de la lune. C'est de retour dans cette émission avec Jean-Pierre Le Goff, philosophe et sociologue qui préside le club Politique Autrement, auteur notamment de Mai 68, L'héritage impossible aux éditions La Découverte. Alors justement, Mai 68, Nicolas Sarkozy a parlé de rupture, vous y croyez ? À la rupture ? Non, pas du tout. Par contre, il a mis le doigt là où ça fait mal. Sur notamment ce que j'appelle l'héritage impossible. Ce qu'il a dit, si vous voulez, en soi, moi, je l'avais écrit dans mon livre, d'une certaine façon. Simplement, il l'a fait dans une certaine optique que je ne peux absolument pas partager. Je l'appellerais revanchard des ressentiments. Encore une fois, c'est une logique de catharsis qui fait du bien à des gens qui ont été véritablement méprisés par une partie de ces héritiers, ce qu'ils ont traité de racistes. En fait, tout ce qui formait, si vous voulez, les anciennes couches populaires, qui était quand même la base de la gauche, a été relégué dans l'arrière-fond. On n'en a plus voulu. Bon, et ça, ce qu'il dit sur l'école, il touche des choses. Mais une fois que vous avez dit que vous allez ramener les classiques à l'école, ou que il faut que les élèves se lèvent. Enfin, je vais vous dire, en banlieue, moi j'ai travaillé en banlieue, le problème c'est pas qu'ils se lèvent, c'est qu'ils restent assis, hein, et les tenir deux minutes pour qu'ils se concentrent. Parce que là, on a un défi fondamental. La posture n'est pas suffisante. Mais on se fait plaisir, si vous voulez. Moi, je comprends, et on applaudit, mais dans une logique de revanche. Comme si on pouvait supprimer mai 68, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, fait partie de l'histoire de France. On prend toute l'histoire l'histoire de France sauf 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Il faut partir de ce que nous a légué 68 dans un double aspect. Une exigence d'autonomie. Et je dirais que les gaullistes, puisqu'on se réclame du gaullisme, reprenez le discours... Personne s'en réclame tellement, enfin... Sarkozy... Pas trop. Mais Sarkozy, dans ses discours, n'a pas arrêté oui, de... Oui, il était dans les colombés, c'est vrai, c'est vrai. Bon, sauf peut-être sur la question d'Algérie, les pieds noirs et les harkis, mais bon, il s'en est quand même réclamé. Quand vous regardez le discours de Pompidou à l'Assemblée nationale sur mai 68, il parle de crise de civilisation. Dans le même discours, Sarkozy se réclame de Georges Pompidou, trois phrases après, il tourne, crise de civilisation, qui a dit crise de civilisation, trois phrases après, il tourne la page. Qu'est-ce que ça veut dire tourner la page d'une crise de civilisation? Deuxièmement, le discours de Malraux en juin 68 au Palais des Sports, relisez-le, il est tout à fait intéressant. Oui, De Gaulle a parlé de lâcher un lit, oui, il y avait des aspects absolument pas possibles en mai, si vous voulez, hein, une irresponsabilité vis-à-vis de l'État, une méconnaissance de l'institution, etc. Mais en même temps, Malraux, qui a connu des guerres civiles, il y a quelque chose d'assez nouveau dans cet événement qui ne correspond pas à l'ancien. Il n'y avait pas de haine, ni des côtés des grévistes, ni des côtés des gens qui leur regardaient passer. Troisième aspect, De Gaulle, réforme en 69 du Sénat. Qu'est-ce qu'il fait? Il se contente pas de lancer des grandes condamnations morales sur mai 68. Il essaie de penser qu'est-ce qu'on peut tirer politiquement de cette affaire bizarre qui nous est arrivée, mais qui néanmoins manifeste, au-delà de sa confusion, de son irresponsabilité, de sa chienlit, une demande de participation, et il lance la réforme, notamment, du Sénat. Alors voilà, à mon avis, une autre façon de reconnaître à la fois l'impossible qu'il y a dans mai 68, mais aussi une volonté de le traduire politiquement et tirer quelque chose de positif de cet événement historique. Jean-François Colosimo. Est-ce que c'est pas justement Jean-Pierre Le Goff, parce qu'il y a une dimension, pourrait dire, de psychodrame de révolution dans mai 68, qui accuse d'ailleurs son caractère un peu tragicomique, quoi, et qui fait que l'objet, en quelque sorte aussi, n'a pas vraiment, je dirais, de solidité conceptuelle. Et donc 68, c'est plus, je dirais, une tendance, une allure, une posture, au fond, qu'une théorie ou qu'une idéologie, n'est-ce pas, non? Oui, oui, je pense. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'événement, qui a duré très peu de temps d'ailleurs, hein, où véritablement d'ailleurs des gaullistes, il y avait un, je crois que c'est le secrétaire de Claude Mauriac, je crois que c'est lui qui parle à un moment donné, qui était, il y a un air de mai 68, il y a une espèce de fraternité un peu folle. Oui, Clavel, c'est lui qui l'a le mieux dit, il dit une fraction du Saint-Esprit dans la société française. Oui, voilà, d'ailleurs hein, l'Église voyait le Saint-Esprit arriver, il y a des évêques, je crois que c'est à Nantes, c'est arrivé. L'esprit était sur les barricades. Voilà, c'est ça, il y a eu cet aspect-là, mais ça correspond à quoi? À l'événement lui-même, il y a deux choses qui marquent. Moi, vous pouvez pas prendre une théorie qui va rendre compte de mai 68, parce que les gauchistes, on a dit c'est l'extrême gauche, c'est une erreur de perspective totale. C'est après qu'ils vont se développer, sur l'échec de mai. Avec là, on va avoir un problème dans les années 70, y compris là. Il y avait un aspect nihiliste dans mai qui avait été repéré, si vous voulez, mais il était contenu par, j'allais dire, une utopie joyeuse, un peu irresponsable, un sentiment de fraternité, de fête et de libération de la parole. Donc c'est très contradictoire dans le moment lui-même. Quand vous regardez le départ de mai 68 jusqu'en juin, vous allez voir les aspects violents vont se développer. Il va y avoir quelque chose à la fin qui est dramatique, avec quelques morts quand même, qui fait que la société française, qui à un moment donné avait accueilli notamment les étudiants de façon assez positive, en disant il faut les écouter, ils nous disent quelque chose, finalement le progrès technique, technologique, où va-t-on? C'était ça la question qui était, je dirais, qui était posée en mai. On y a gagné en bien-être matériel, mais qu'est-ce qu'on y a gagné? Vers quelle société on va aller? Voyons, sommes-nous heureux? Je me rappelle de ce tract. Bon, il y a des tas de questions de façon confuse. J'emploie le mot catharsis. Moi, j'ai employé le mot à un moment catharsis démocratique. Je ne sais pas si c'était si démocratique que ça, en fait. Mais il y avait ce défoulement. Bon, arrive les années 70. Et là, je pense que c'est véritablement le problème, à mon avis. Et moins dans l'événement de mai-juin 68, qui d'ailleurs combine deux choses, la commune étudiante, avec ses aspects d'irresponsabilité, de paroles débridées un peu folles, et puis la grève générale, qui fait d'ailleurs que sur le moment, on pense l'événement sur le modèle passé. Sauf que c'est quelque chose iconoclaste, qui ne rentre pas dans l'histoire du pays, dans la continuité de l'histoire du pays. Et vous avez tout à fait raison, on rejoue les barricades, alors qu'on est dans une société développée, il n'y a pas d'insurrection armée, il y a des jeunes comme moi d'ailleurs, qui sont un peu les orphelins de la révolution, et je dirais les orphelins bizarrement de l'épopée gaulliste. Et en fait vous réclamiez à De Gaulle d'être votre papa. C'était un père un peu trop absent pour vous. Et si vous me permettez, deuxièmement, le deuxième problème, c'est que le vrai bilan de 68, il se fait chez les enfants des 68ards, qui eux sont vraiment vénères. Ils sont énervés contre leurs parents, contre l'absentéisme des parents. Là, il y a quand même une rupture, excusez-moi. Moi, je pense que si vous voulez, alors là, on touche sur un deuxième problème que la génération. D'abord, le problème n'est pas dans l'événement lui-même, à mon avis, il est dans le basculement qui va s'opérer au cours des années 70. D'abord, les aspects groupusculaires qui vont se développer de façon assez violente dans la première moitié des années 70, mais il y a un deuxième point qui est très important, qui est le basculement du milieu des années 70. Je le trouve aussi important que 1968. Parce que l'héritage de l'utopie joyeuse, et vous voyez à ce moment-là qu'il y a un féminisme, et l'écologie ne naît pas en 68. C'est une erreur totale de perspective. En 68, on est là, dans la dynamique des Trente Glorieuses. On est avec des gens, tout est possible, on fait la fête, on expérimente, on se parle, il y a un décloisonnement social, on a des utopies un peu tout et n'importe quoi, mais on parle parce qu'on a eu quand même, avec une sacralité gaullienne, j'allais dire, d'un état sacré qui était là, le père, vous disiez le père. Bon. Un peu absent. Un peu loin, si vous voulez. Bon, mais le tournant pour moi, c'est le milieu des années 70. Entre parenthèses, les 68ards n'ont pas inventé le chômage de masse. Ils n'ont pas inventé le tournant historique de la fin des Trente Glorieuses. Ils n'ont pas inventé non plus les banlieues, que je sache. Hein, parce que en 68, ça n'a rien à voir. Et c'est véritablement à ce moment-là que l'écologie et le féminisme vont reprendre une partie de l'héritage de 68 sous une forme beaucoup moins violente que l'extrême gauche, avec une idée. Ils font instruire le peuple parce que vraiment, il a rien compris. Jean-Pierre Le Goff, cette dérive violente de l'extrême-gauche, donc dans l'après 68 que vous décrivez dans votre livre, est-ce que vous le retrouvez dans ces émeutes qui ont suivi l'élection de Nicolas Sarkozy, où on a parlé de jeunes, mais est-ce que ce sont vraiment des jeunes, est-ce que ce sont plutôt des militants ? Non, mais là, on est vraiment, c'est même pas la queue de comète, c'est les derniers des Mohicans, avec une image. En gros, s'il n'y a pas de, il y a une demande, à la limite, chez une partie de ces jeunes qui sont des anarchistes, avec un aspect nihiliste, mais aussi une demande, il faut qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est toujours l'idée qu'on a depuis 40 ans du fascisme montant, il n'arrête pas de monter. Alors bon, on a joué. Non, c'est une posture. Oui, complètement. On a joué au punching ball avec Le Pen. C'est-à-dire que Le Pen, oui, c'est un danger, etc. Mais en même temps, ça renforçait les identités parce qu'on avait quelque chose. Aujourd'hui, bon, c'est cette frange marginale. Enfin, les problèmes de la France, c'est pas les 200 manifestants à Bastille. Alors, il y a une partie de... On dirait d'ailleurs qu'y compris pour une partie de la droite, on joue avec cette extrême gauche organisée comme un punching ball pour se refaire une identité. Mais écoutez, le bolchevisme, regardez d'ailleurs Besancenot, le trotskiste. Lisez ses livres. C'est pas le bolchevisme version trotskiste. Il a une formule qui, à mon avis, résume un problème tout à fait fondamental. Les sentiments sont de notre côté. Et le problème, à mon avis, est moins l'extrême-gauche organisée, quoi qu'il faille toujours s'en méfier, parce qu'ils font toujours du surf, ils rajoutent des choses, que cette espèce de gauche morale, possesseur d'une certaine idée du bien qu'il doit inculquer au peuple beauf. Bon, alors ça, on a eu ça. Pour moi, le problème fondamental, c'est ça. Mais maintenant, on a le retour d'une droite qui nous brandit la morale, si vous voulez, de comme on a connu avant, qui ne sera pas plus efficace. Et maintenant, il faut tenir, moi, en ce qui me concerne, du point de vue intellectuel, si vous voulez, pour pouvoir avoir un certain nombre de débats, je dirais, un peu sereins, il va falloir se créer un espace entre ces deux ordres moraux, celui du post-68ard abattardi, transformé en moral, ce qui n'était pas dans le mouvement de mai et juin, j'insiste là-dessus, et j'insiste sur le tournant de la moitié des années 70, qui, à mon avis, est décisif, et de l'autre côté, le retour réactif, proprement réactionnaire, qui pense que c'était mieux avant et qu'il suffit de remettre les classiques dans les classes et qu'on va faire la leçon de civique et que ça va marcher par en haut. Jean-Pierre Raffarin dit que c'est le mai 81, un autre mai de la droite. Oui, mais tout ça est revanchard, tout ça est plein de ressentiments, tout ça n'est pas dressé avec une générosité, une perspective d'avenir. C'est ça, pour moi, le problème. On manque terriblement d'élan vers l'avenir. Je n'ai pas cité Paul-Louis Landsberg, mais quand même, à propos de l'engagement, c'est quand même sur des choix qui impliquent l'avenir. Or, dans cette élection, les débats entre les deux principaux candidats, même un peu plus large, moi, excusez-moi, quel est l'avenir en question du pays ? Moi, je le vois pas du tout. je vois des débats. Alors on salue les performances. J'ai même appris qu'il y avait des gesticologues. Enfin, je veux dire, on est dans un truc, on examine à la loupe. Et puis il y a ce que j'appellerais l'essoreuse médiatique. C'est-à-dire qu'à peine une parole est donnée, elle est immédiatement 15, 20, qu'est-ce que je dis, sans commentaire. Et les Français, une partie des Français reparlent pareil. La performance, comment il s'est qui a ajouté ça. Bon. Alors moi j'aimerais qu'on discute un peu des problèmes de fond. Et comme c'est un débat politique, qui n'est pas simplement un débat moral, je ne dis pas qu'il n'y a pas une composante morale dans ce débat, mais quand même, c'est leur rôle, c'est pas ça, on leur demande pas ça. Hein. À moins qu'on ait changé, après tout, bon. Mais j'attends toujours des débats politiques. Sur le compte. Non, moi j'avais une question par rapport, on vient de parler de 68 à un long moment, mais moi honnêtement, j'ai pas compris l'irruption de 68 dans le discours de Sarkozy. Quel est franchement l'intérêt d'aller sortir 68 aujourd'hui? Enfin, je veux dire, j'ai compris lui ce qu'il a dit, mais aujourd'hui, est-ce que c'est clivant? Est-ce que c'est un vrai débat de société de comprendre ce qui s'est passé en 68? Ah, je pense que ça fait partie de ces. De... Bizarrement. C'est une vieille lune quand même. Pour... C'est... Oui, c'est, mais c'est une génération, les générations plus jeunes, disons, jamais un truc. C'est pas ça... qu'une histoire de génération. Justement, on l'a pris comme ça. Pour moi, c'est un événement historique qui a du mal à s'intégrer dans l'histoire de France. D'accord. Et si on veut sortir du problème du ressentiment générationnel et génération, il faut pouvoir situer le débat au niveau de l'histoire des démocraties, pas simplement la France. Parce que ce qui s'est passé en France, ça s'est passé dans tous les pays développés. En Angleterre, il y a... Alors, là, il y a un vrai débat, mais pas la génération. Si vous voulez, il y a des règlements de compte générationnels. Mais qu'est-ce qu'a fait Sarkozy en affaire? Je vais vous dire, c'est bien plus simple que ça. C'est qu'il a tapé là où... C'est au point de vue stratégie, j'allais dire, politique, c'est très bien joué. Il a été maître des cartes dans toute la campagne. Il a placé, là où la gauche n'était pas claire, il a placé les problèmes. Nation, la gauche a évolué beaucoup plus qu'on ne le croit sur la nation d'ailleurs. Sécurité, elle était en train d'évoluer. Et tout d'un coup, Ségolène, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi, elle n'était pas maître du jeu. Elle suivait, alors bon, la nation, c'est lui qui a été maître de tous les thèmes, amenant l'adversaire à se positionner sur ce terrain, en sachant très bien que l'adversaire n'avait pas encore accompli la mue nécessaire. Et 68 est intégré, non, il savait très bien. Deuxièmement, il allait très loin pour récupérer les électeurs du Front National. Il savait que la nation, mais mai 68 fait partie pour une partie de ses électeurs. En gros, on a trouvé un nouveau bouc émissaire. On est dans une logique de lapidation. On n'est pas dans une logique, si vous voulez, de compréhension des événements historiques. Il y a des boucs émissaires, maintenant c'est les 68 heures, et on les fait huer. Hein, dans les meetings. Comme sur Twitter, c'est André Glucksmann qui vote pour lui. Enfin, je veux dire, il y a tout non, ça aussi. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas poser le problème en termes 68 heures. Moi, j'en suis à 68 heures. Ils sont très repentis, les 68 heures. Non, aujourd'hui. Mais je marque. Des retraités ou des retraités. Non, mais justement, je me considère, de cette génération, j'ai vécu mes 68, et je ne suis pas dans une logique de ressentiment. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est prendre du champ historique. Ce n'est pas, moi, mon problème de repentir, machin, avec même. Tout ça, c'est des choses très psycho. C'est une façon de faire de la politique qui domine. Vous prenez les problèmes. D'ailleurs, je suis très frappé par cette peopleisation de la politique. Hein. En gros, on a dit à un moment, vie privée, vie publique. Les 68 heures, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a une demande personnelle sur laquelle je peux répondre, si vous voulez. Moi, je réponds quand on m'interroge là-dessus. Moi, je me considère comme un dissident de cette génération. Un dissident. Mais je ne vais pas me renier en disant, j'ai fait des fautes. Glucksmann, qu'est-ce que c'est que cette culpabilité morbide? Par contre, le vrai problème est de prendre un recul réflexif et critique sur cet héritage, ce que, à mon avis, peu de mes compagnons ou un certain peu l'ont fait. Jean-François Colossimo. Parce que la culpabilité, vous n'avez peut-être pas écrit il y a 30 ans de cela, ou 40 ans, que les maternelles des écoles primaires ressemblaient à des camps de concentration. Vous n'avez pas non plus appelé à une rébellion armée à partir des usines, etc. Attention, Moi, je ne comprends pas d'ailleurs comment des gens de ma génération se font honneur dans les médias d'avoir été un moment fanatique. Ça, j'ai jamais compris. Ah, ils sont pas très contents. Non, ils c'est ambivalent. C'est ambivalent. C'est ambivalent parce qu'à la fois on se critique, mais enfin ça fait bien dans les dîners mondains. Ça, j'ai jamais compris, si vous voulez. Mais d'un autre côté, je pense que j'allais dire qui n'a pas péché jette la première pierre. Parce que je veux bien quand on a 20 ans, si vous voulez, évidemment, et que vous arrive un événement comme ça dans la figure, de rester en disant j'ai quand même joué ma carrière universitaire alors que tout ça, bon, ça c'est un choix de vie. Moi je n'ai pas apporté un jugement sur les choix de vie existentiels des gens, à moins que, bon, par contre, qu'on examine cet héritage. Et moi, je l'ai fait parce que je l'ai partagé. Ça a été pour moi quelque chose de me détacher d'espèce de moule 68 arts à base nihiliste. On pourrait discuter, il y a une dimension, tout n'est pas réductible à ça, mais il y a une dimension nihiliste dans l'après-mai 68. Et j'ai essayé d'extraire ça, si vous voulez, pour dire soyons plus libres. Il faut se sentir léger par rapport à mai 68. Jean-Pierre Le Goff, vous restez avec nous. On écoute tout de suite The Carpenters. Radio Notre-Dame. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. The Carpenters, the top of the world. Et c'est Jean-Pierre Le Goff qui est avec nous pour décrypter peut-être ce tournant politique que nous sommes en train de vivre. Jean-Pierre Le Goff qui est philosophe et sociologue et qui préside le club politique autrement. Alors justement, peut-être tournant politique, Jean-Pierre Le Goff, on a beaucoup parlé dans cette campagne de droitisation du discours. Est-ce que cette droitisation n'est pas finalement plus le désarroi idéologique de la gauche après la fin du marxisme que la constitution d'une réelle pensée de droite ? Bah, il faut regarder. Moi, je suis très frappé, notamment, je pense que cette élection marque une rupture dans les générations aussi. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de nos schémas ne marchent plus pour comprendre la nouvelle, ce qui s'est passé. Et alors, droitisation, je vais prendre par exemple un certain nombre de sondages qui sont parus chez les jeunes. Il se trouve que j'ai fait un débat il n'y a pas longtemps avec 400 lycéens sur l'engagement aujourd'hui au théâtre Athénée. C'était assez fascinant. Et il y a eu des sondages, il y a eu des enquêtes. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ces enquêtes, je veux dire, beaucoup de jeunes rejettent le capitalisme, rejettent la mondialisation, rejettent beaucoup de choses comme ça. Ils sont naturellement de gauche. Mais quand vous regardez la liste des mots positifs ou négatifs, vous apercevez des choses. La première valeur, c'est la liberté, bon, ce qui est bon, normal à son âge, etc. L'égalité vient après. La nation l'est en dernier. Et vous pouvez, le paradoxe, moi ça m'a beaucoup frappé, si vous voulez, c'est que vous êtes de gauche, mais quand vous demandez un certain nombre de mesures que vous approuvez, vous êtes pour la suppression des allocations familiales dans un certain nombre de cas. Vous êtes pour le salaire au mérite. C'est-à-dire, vous pouvez être de gauche avec une mentalité, on pourrait dire, libérale. Et qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Je me dis, mais finalement, ces jeunes, bon, il y a la dimension immaturité de la jeunesse. Mais est-ce que ça ne reflète pas des individus un peu nouveaux qui sont très paradoxaux par rapport à... Oui, mais on peut dire c'est le principe de cohérence qui a animé des générations entières. Est-ce qu'il est encore là dans cette société? Est-ce qu'on n'a pas affaire, je poussais à l'extrême, à des individus patchwork dans une société elle-même devenue patchwork, oui, et que nous cherchons à projeter sur cette société des schémas cohérents historiques qui ne le sont plus? Voilà ma question. Je n'y répondrai pas en disant ça y est, etc. Mais il faut au moins avoir le courage de s'apposer en face. Et d'une certaine façon, parler des personnages, des deux principaux candidats, leur façon de fonctionner, cette façon de mouliner les idées. Et vous dites, bon, c'est un néoconservateur bonapartiste, mais le lendemain, il vous fait un discours d'ouverture totale. Il n'y a pas un mot sur l'international. Au moment de l'élection, tout d'un coup, voilà l'Afrique, voilà la Méditerranée, on n'en a jamais entendu parler avant. Donc, ils sont jamais là où on les attend, d'une certaine façon. Et alors, vous dites, tenez, regardez, il a parlé de la nation, c'est formidable, bon, par exemple, et puis après, il va parler... Comment comprendre ce phénomène inédit? Moi, je vais relier ça à un état de la société. Où est la colonne vertébrale? Et je vais vous dire ma question un peu angoissante. Faut-il essayer absolument d'en chercher dans selon à quoi on a assisté? Jean-François Colosimo. Oui, vous parlez un peu de l'apparition de ces, entre guillemets, libéraux de gauche. Mais est-ce qu'à droite, on ne va pas voir aussi apparaître des libertaires de droite? Par exemple, un libéral conséquent de droite pourrait être aussi un homme très communautariste, acceptant le mariage homosexuel, etc. au nom de la contractualité. Non, il était contre. J'ai dit, est-ce que de la même manière... Il fallait léguer pour Sarko à côté du discours sur... Enfin, fin de la parenthèse. Voilà, mais est-ce que donc, on ne va pas effectivement avoir des hybridations complètes avec une segmentation qui va correspondre à une compréhension de la politique comme un marché électoral, c'est-à-dire un électeur qui va voter selon, je dirais, son identité du moment, pour tel ou tel candidat, selon l'offre du candidat, c'est-à-dire finalement une véritable offre démocratique qui correspondra à un marché. Oui, il y a tout à fait cette dimension-là. Moi, même, alors, sous mon pessimisme, je vois des aspects, j'allais dire, un peu... d'espérance. Je pense que la chose positive sur laquelle on devrait s'appuyer, parce que le problème c'est la réponse, c'est une désidéologisation des débats chez notamment les jeunes générations. Hein, je vous disais le côté manque de cohérence du tout, mais on voudrait qu'on nous explique rationnellement, argument contre argument, et j'allais dire pas platement, mais très rationnellement. Montrez-nous l'effet de cette mesure, comment elle s'inscrit. Premièrement, il y a ça. Et deuxièmement, ce qui n'est pas à mon avis de l'idéologie, hein, qui est une vision historique. Pour moi, c'est ça qui manque fondamentalement. À la fois un pragmatisme politique dans les mesures et une certaine vision historique. Ça, je pense que si on veut retrouver la passion du politique au bon sens du terme, c'est ces deux aspects-là, un débat démocratique assez apaisé sur un certain nombre de mesures et comment le tout s'inscrit dans une vision historique. Parce que dans l'affaire, on a eu à ce que j'appellerais une démocratie de mécaniciens. D'ailleurs, on est dans une démocratie de mécaniciens pour réparer les moteurs qui marchent plus. Mais le cap et où on va, il est complètement... L'important, c'est d'y aller. On ne sait pas où, n'importe comment, on n'a pas le choix et on va démonter la mécanique et on met des emplates partout. Alors je dis pas que du point de vue de la citoyenneté éclairée, il faut aussi comprendre les mécanismes de fonctionnement d'une société, la sécurité sociale, enfin tous ces problèmes qui ont été agités. Hein. Mais on a l'impression qu'on bricole, excusez-moi, et que la vraie question qui manque, c'est comment toutes ces mesures, ça, d'abord sont cohérentes entre elles, parce que là je voulais dire qu'on a arrosé beaucoup de monde, hein. Je sais pas si on va pas reconstruire les usines sidérurgiques en Lorraine, bon, on attend un certain nombre de choses, on a entendu tout. Pour établir le RTF pour faire plaisir à l'église. Oui, bon, enfin, il y a des choses absolument étonnantes. Donc comment tout ça est cohérent? Et je pense qu'il y a une demande d'exigence démocratique de la cohérence. Ça, c'est positif. Et deuxièmement, comment tout ça, le pays, la France, qui a fait la révolution de 89, qui a une certaine image de lui-même, etc., il est malade. Mais c'est pas en passant de l'autre côté. Non, non, pas la repentance. Bon, encore une fois, on se fait plaisir. Mais quel est aujourd'hui... Et en même temps, on assiste aux commémorations en faveur de la colonisation, de la décolonisation, plutôt. Non, mais au point de vue, là, je voudrais pas insister, tourner le couteau dans la plaie, mais quand même, le plateau des Guyères pour la résistance, à quelques jours de l'élection. Le jour de l'élection, on prend la suite du Fouquet, si vous voulez. On ramène le showbiz. Le 8 mai, 45, Chirac est tout seul. C'est côté pathétique dans cette affaire. Et le surlendemain, par contre, on est à la repentance. On est à la repentance. Alors je vais vous dire, là où il y a une erreur, on va dire, mais ça, c'est, mais c'est même pas voulu. Il a pas fait. Il est rempli de bonnes intentions, Sarko. C'est là le problème que peut-être il faut penser. C'est que je suis persuadé qu'il a pas fait attention au rendez-vous qui se télescopait. Bon, et puis c'est comme ça. Il fallait, et c'est normal. Après tout, je vais vous dire, qu'il se détende parce qu'il est fatigué avec sa femme et ses enfants. On est dans cette politique-là. Et des gens vont dire, mais pourquoi pas? Mais d'ailleurs, sauf les Français, que les grands symboles sur lesquels on a joué, matin, les affects et les passions sur lesquels on a joué, eh bien, en l'espace de 5 jours, vous apercevez qu'on a affaire à un truc, déjà là aussi, qui ne correspond pas au discours tenu. Mais je disais de façon non maîtrisée, alors je ne veux pas exagérer, peut-être que la fonction, dit-on, va permettre à l'homme de se transcender, si vous voulez. Je ne l'exclus pas totalement. On l'a un peu vu avec Chirac. Le soir, on l'a vu. Question de Jean-Luc Mouton. Il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé, que je voudrais aborder dans cette émission, et c'est que ça, dans le discours de Sarkozy, alors encore une fois, ça peut être dans le grand tout que vous venez de décrire, il y a une nouveauté, c'est l'irruption du religieux. C'est-à-dire que Sarkozy, par rapport à la tradition républicaine qui sépare bien les choses, qui est la bonne tradition française, c'est le sens que c'est de bien séparer, de ne pas se mélanger, de ne pas s'occuper de religieux et que l'État ne s'en occupe surtout pas, le mettre à distance, lui, il a fait tout un bouquin pour expliquer qu'il fallait le remettre au centre, il veut même confier une responsabilité, ça fait un peu garde-chiourme aux religions, il veut même en aux religions, et donc il a dit pendant la campagne, il a insisté sur l'aspect religieux. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est, ça fait partie de cette espèce de grand brassage, ou est-ce qu'il y a une démarche de fond? Le scepticisme de Jean-Pierre Le Gall. Non, mais je pense que il y a un débat qui nous fausse en disant est-ce qu'ils sont convaincus, est-ce qu'ils sont sincères. Je suis persuadé qu'ils sont sincères, mais le problème il est pas là. Moi, je pense que ça fait partie, je prends tout, globalement. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y croit pas ce qu'il dit, mais il y a quand même des aspects très contradictoires. Parce qu'il y a à la fois, notamment, quand même, n'oublions pas, la façon dont l'UOIF a été institutionnalisé, qui est quand même pas rien, dans l'espace, quasiment public aussi politique. Qui et en même temps, la défense de... à propos de Charlie Hebdo, en disant, mais je suis, écoutez, il y a tout quand même, je suis un républicain. Il y a tout et son contraire. Bon, et alors moi, et le problème, il va falloir passer aux actes, parce que pourquoi Sarkozy a réussi? Parce que antérieurement, moi, je dirais, il y avait Chirac, il y avait Mitterrand, il y avait trois choses que j'avais analysées. J'avais appelé ça de façon très polémique, si vous voulez, le pouvoir informe, la langue caoutchouc et la fuite en avant. Bon, qu'est-ce qu'a fait Sarko? Il a compris ça d'ailleurs. Le groupe, parce que c'est des machines, ils sont très performants. Les gens qui travaillent avec lui ont tout lu. Commentaires, Finkielkraut, tout a été pris, je prends tout, le débat, tous les débats, même mai 68, l'héritage impossible, ce sont des gens, pas lui, mais ce sont des gens qui travaillent, qui font des fiches, qui en font immédiatement une machinerie, si vous voulez. Donc je prends tout pour gagner. Une fois gagné, et c'est là où ça va se poser. Parce que, en gros, il a donné l'impression, et pas simplement l'impression, que c'en était fini de cette espèce de pouvoir mou qui disait tout et son contraire. Enfin, Chirac plus Mitterrand, pour faire très court, depuis les années 80, la langue caoutchouc, et il le dit carrément, je sors de cette espèce de langue de bois du politiquement correct, je dis les choses. Sauf que, il y aura une réflexion à avoir sur le langage de l'homme d'État. Quand vous avez dit qu'on n'égorge pas dans les baignoires, etc., il y a une espèce de... Je trouve ça indécent pour quelqu'un qui va avoir la fonction de représenter un pays, si vous voulez. Il y a un respect du langage, et pour moi c'est une question éminemment éthique, le respect du langage. Donc on n'en sort pas simplement en disant il a dit des choses et au moins il est dit. Je pense que pour un homme d'État ayant pour vocation ou pour but d'occuper la plus haute fonction de la représentation d'un pays, on fait attention à ce qu'on dit et aux effets de sa parole. Et ça n'a pas été pris en compte, voilà. Jean-Pierre Le Goff, il y a un trou noir aussi, c'est le trou noir, c'est une expression de Jean d'Ormesson, dans cette campagne et dans la vie politique de manière générale, c'est la désolation des campagnes, le désespoir ouvrier, le vrai quotidien des cités. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait, encore une fois, quand vous regardez un certain type de discours, on a dit, écoutez, je vous ai compris. Hein, je vous ai quand compris, on a dit ce qu'on a dit. Et quand on a dit ça, bon, enfin, c'est quand même extraordinaire. La façon d'envoyer le débat, Ségolène Bérou en disant, mais moi j'étais à côté des ouvriers, eux ils étaient dans un hôtel de luxe, et quelques jours après, vont aller au Phuket, si vous voulez, avec le showbiz, et quand vous avez Johnny Hallyday à la sortie du Phuket, qui vous explique en direct, mais ça c'est pas, c'est journaliste aussi, moi ce que j'ai appelé l'essoreuse médiatique, parce qu'il y a quelque chose. Il explique qu'il va revenir, c'est ça? Oui, oui, il explique, donc on peut compter sur lui, parce que c'est un copain, et pas simplement un copain, mais il a une parole. Je doute pas qu'il soit sincère, c'est pas le problème. Mais on est où? Quand les débats télévisés du soir, quand vous regardez par rapport aux autres campagnes télévisées qui avaient existé, il y avait des débats entre hommes politiques. Elle existait. Mais c'est le rien. C'est-à-dire des motos qui courent après un truc. Il a ouvert la porte, il a pas ouvert la porte. Voilà, Cécilia, et on nous ressort Mireille Mathieu, 50 ans après, etc. Bon, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce sont des objets volants non identifiés, historiquement. On a quelque chose de tout à fait nouveau, sur lequel il faut s'interroger. Malheureusement, il nous reste une minute, mais vous avez parlé de barbarie douce et de démocratie post-totalitaire. Est-ce qu'on y est toujours? Est-ce qu'on y va encore plus rapidement? C'est pire que jamais ou c'est on en sort? C'est pas pire que jamais, parce que j'ai dit qu'il y a des aspects contradictoires dans la demande de la société elle-même, avec des principes de cohérence. Moi, ce que je crains, il y a deux hypothèses. Quand on a promis autant, et quand on a jouer sur des pulsions et des affects qui sont allés quand même assez loin vis-à-vis de l'extrême droite. Si jamais vous ne répondez pas avec un grand engagement solennel, je promets, je ferai ce que j'ai dit. Où va aller ces couches populaires qui ont été tout d'un coup remobilisées? On a effectivement mis le Front National de côté. Mais risque de revenir aux législatives? Pas aux législatives, tout est bouclé, si vous voulez. Mais c'est plus grave que ça, d'une certaine façon. Si vous avez poussé très loin là-dessus, vous avez mobilisé des passions, qu'est-ce que ça va devenir, ce potentiel animé? Le deuxième scénario, en 10 secondes. Le deuxième scénario, c'est que ça se pacifie. D'ailleurs, je pense que tous les conseillers, attention, maintenant, ça va être le rassemblement. Alors, il va y avoir un problème, qui est le principe de cohérence du tout. On va le voir très rapidement. La Banque Centrale Européenne, là, on a fait des tas de promesses. Qu'est-ce qu'il va faire? On n'en sait rien. C'est quand même ouvert. C'est un peu ce qui rend la situation passionnante. Merci Jean-Pierre Le Goff d'avoir été avec nous. Je signale le titre de vos livres, Mai 68, l'héritage impossible et la démocratie post-totalitaire aux éditions La Découverte.